إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد continuons la traduction de l'explication du livre عمدة الأحكام l'imam عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى et l'explication de Cheikh Abdullah al-Bassam rahimahullahu ta'ala. La semaine dernière, on avait expliqué les hadiths 28, 29 et 30. Le hadith 28 est le hadith d'Abu Huraira radiyallahu ta'ala anh. Et comme pour habitude, l'un d'entre vous va se porter garant ou porter volontaire pour réciter ce hadith. Na'am. Hassan, tafadhal. Le hadith il y a deux Hassan, ça. Hassan Ghafir, تفضل. Hadith 28, عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لقيه في بعض طرق المدينة. في بعض طرق المدينة وهو جنوب. قال: انطلقت منه، ذهبت، فاغتسلت، ثم جئت، فقال: أين كنت يا أبا هريرة؟ قال كنت جنوبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة. وقال: سبحان الله إن المؤمن لا ينجس. رواه البخاري ومسلم. أحسنت بارك الله فيك. Le 29e hadith, hadith Aïcha radiallahu ta'ala anha. Qui se porte volontaire? Tadda. Aïcha radiallahu anha. Qalit. Kana Rasulullah sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Ida khasala min janaba ghasala yadayhi. Thumma tawadda'a wudu'ahu lis-salah. Thumma yaghtasil. ثم يخلل بيديه شعره حتى ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء ثلاث مرات ثم غسل سائر جسده. نعم أعد. رواه البخاري ومسلم. أعيد الحديث. ومسلم. وكانت تقول: وقالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله ورسول عليه وسلم الله. ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من إناء واحد نختلف منه جميعا. نعم. أعيد الحديث، حديث الأول، حديث عائشة الأول. أو كما وصل القومي حديث إن شاء الله. القومي حديث. نعم. عن عائشة رضي الله تعالى عنها. سلامة الله. قالت: أنا رسول الله صلى الله عليه. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يدي ثم توضأ وضوءه للصلاة ثم يغتسل. ثم يخلل بيديه شعره حتى ظن أنه قد أروى بشرته أخذ عليه الماء ثلاث مرات ثم اغتسل ثم غسل سائر جسدي رواه البخاري ومسلم. أحسنت بارك الله فيك. طيب الحديث 30 30 حديث في الحديث ميمونة بنت الحارث رضي الله تعالى عنها. Qui se porte volontaire? Salim. زوج النبي فأشفى بيمينه على يسيره مرتين أو ثلاثة ثم غسل فرجه. نعم. ثم ضرب بالأرض بالحائط. ثم ضرب ماذا؟ يده. نعم. ثم ضرب يده بالأرض بالحائط مرتين أو ثلاثة. نعم. ثم مدمد واستنشق. نعم. ثم غسل وجهه وذراعيه. نعم. ثم غسل سيار جسده. ثم أفاض على رأسه الماء. نعم. ثم غسل سيار جسده. ثم غسل سائر جسده. نعم. ثم تنحى. فغسل رجليه. نعم. فأتيته بخرقة فلم يردها. نعم. فجعل ينفض الماء بيديه. نعم. أحسنت بارك الله فيك. رواه البخاري ومسلم. طيب الحديث 31 عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال يا رسول الله أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال نعم إذا توضأ أحدكم فليرقد. رواه البخاري ومسلم. الثلاثين حديث سنة عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يجي كعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كي son père. قال il dit que Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu a dit ô envoyé d'Allah, l'un d'entre nous peut-il dormir alors qu'il est en état de grande impureté? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit oui, lorsque l'un d'entre vous fait ses ablutions alors qu'il dorme. Hadith authentique rapporté par al-Bukhari wa Muslim. المعنى الإجمالي لسانس جنرال دو حديث كان الحدث من الجنابة عندهم كبيرا لذا أشكل عليهم هل يجوز النوم بعده أو لا فسأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم إن أصابت أحدهم الجنابة من أول الليل فهل يرقد وهو جنب فأذن لهم صلى الله عليه وسلم بذلك على أن يخففوا هذا الحدث الأكبر بالوضوء الشرعي وحينئذ لا بأس من النوم مع الجنابة. Le sens général du hadith. L'état de grande impureté était quelque chose de grand pour eux. Pour qui? Pour les compagnons du prophète صلى الله عليه وسلم. Pour cela qu'une question les a tracassés, à savoir, est-il autorisé de dormir après être en état de grande impureté ou non? Et Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, a alors posé cette question au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et lui a demandé si l'un d'entre nous est en état de grande impureté au début de la nuit. Lui est-il autorisé de dormir dans cet état? Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, leur a autorisé cela et les a ou leur a demandé de diminuer cet état ou ce grand état de grande impureté par les ablutions, de diminuer le grand état d'impureté par des ablutions, c'est-à-dire les petites, les ablutions de la prière. Et à ce moment-là, il n'y aura pas de mal à dormir en état de grande impureté, en état de janaba. ما يؤخذ من الحديث سكرون غتيان في الحديث أولا جواز نوم الجنوب قبل الغسل إذا توضأ. Premièrement, le retien du hadith, l'autorisation de dormir, l'autorisation pour celui qui est en état de grande impureté, de dormir avant de se laver lorsqu'il fait ses ablutions. Lorsqu'il fait ses ablutions. C'est la première chose à retenir de ce hadith. Thaniyan, innal kamala an la yanam al junub hatta yartasil. Deuxièmement, ce qu'il y a de mieux, c'est que celui qui est en état de grande impureté ne dorme qu'après s'être lavé. Et lorsque l'on parle du lavage, c'est al-ghusl. Car de se contenter des petites ablutions est une dérogation. De se contenter des petites ablutions est une dérogation. La base pour celui qui est en état de grande impureté, c'est qu'il se lave. ثالثا مشروعية الوضوء قبل النوم للجنوب إذا لم يغتسل. سلام الله. Le caractère légiféré de faire les ablutions avant de dormir pour celui qui est en état de grande impureté s'il ne s'est pas lavé. Donc c'est quelque chose de légiféré. De faire ses ablutions à ce moment. Car quelqu'un pourrait dire pourquoi faire des ablutions alors que la personne reste toujours en état de janaba. Est-ce que les petites ablutions enlèvent l'état de janaba? Ils l'enlèvent partiellement, on avait vu la semaine dernière. Ils enlèvent partiellement uniquement les membres de l'ourdo, à savoir des ablutions. Mais l'état général de grande impureté n'est pas ôté de cette personne. Rabi'an, karahatu nawmil junub bila ghuslin wala wudu. Quatrièmement, le caractère détestable pour celui qui est en état de grande impureté de dormir sans se laver ni avoir accompli ses ablutions. Et ici, Cheikh Al-Bassam, rahimahullah, dit karahatu nawm il junub, que la personne qui est en état de grande impureté, qui lui est détestable de dormir sans faire le ghusl ni sans faire les ablutions. Et quand on dit caractère détestable ou détestable, cela signifie Aïd. Celui qui délaisse la chose, Naam. Elle sera récompensée pour l'avoir délaissée. Naam. Et si elle fait cet acte-là, elle n'aura pas de péché. Naam, ahsant. À savoir, lorsque l'on dit détestable, c'est-à-dire que lorsque tu fais une chose détestable, est-ce que tu as des péchés ou pas? Non. Non. Mais lorsque tu délaisses cette chose, est-ce que tu en es récompensé? Non. Oui. Autrement dit, ce n'est pas interdit. Ou, si l'on reformule autrement, il n'est pas obligatoire de faire ses ablutions avant de dormir lorsque l'on est en état de janaba. Et ceci est l'avis de la plupart des savants. Or, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith, qu'est-ce qu'il a dit? Il a tawadda ahadukum falyarqud. Lorsque l'un d'entre vous fait ses ablutions, qu'il dorme. Est-ce que c'est un ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Oui ou non? Oui, ce que l'on comprend, c'est le wujub. Ce que l'on comprend, c'est l'obligation. Pourquoi? Car le professeur Asselem a dit que oui, celui qui est en état de grande impureté a le droit de dormir, mais à condition de faire ses petites ablutions. Comment est-ce que les savants ont compris que cet ordre n'est en réalité pas un ordre qui veut dire l'obligation, mais qui veut dire simplement le caractère préférentiel. Ça aura apporté une contrainte. Non ? Ça aura apporté une contrainte, c'est de faire le rousse avant de dormir. Non ? Avec deux mahadis. Lesquels ? Oui, mais ça ne veut pas dire que le prophète n'a pas fait le wudu. Le fait que le prophète faisait le rousse après la prière de l'Fajr, cela ne veut pas dire qu'il a dormi sans ablution. Ah, parce qu'il a quand même commencé par un mais... Il a quand même commencé par un mais ensuite il a donné une condition. Non. Et c'est un peu subtil. Et ça va, on dit car. Omar ibn Khattab radiallahu anhu a demandé une autorisation au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et celui qui demande une autorisation, ce n'est pas comme celui qui pose une question. Les savants ont dit comme celui qui frappe à la porte. Et il dit, puis-je entrer? Et tu lui dis, entre. Entre, c'est quoi, entre? C'est un ordre. Entre. Est-ce que la personne est obligée d'entrer? Si elle n'entre pas, est-ce qu'elle a fait un péché? Non. Donc là, on est dans ce cas de figure, à savoir que Omar, radiallahu anhu, a demandé une autorisation au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, de dormir avant de faire son ghusl. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a donné cette autorisation et a donné comme directive le fait de faire ses ablutions avant au minimum. Mais ça ne reste qu'une directive, et comme je l'ai dit, la plupart des savants, ou la majorité des savants, Jumhur ul-Ulama, considèrent que de faire ces ablutions est préférable avant de dormir pour celui qui est en état de grande impureté. Al-Hadith al-Thani wa al-Thalathoun, le 32e hadith. An-Ummi Salama, zawji al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qalat, جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم إذا رأت الماء رواه البخاري ومسلم. Le 32e hadith. Selon أم سلمة radiallahu ta'ala anha, l'épouse de l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, elle a dit que Umm Sulaym, la femme de Abu Talha radiallahu anhuma, que Umm Sulaym est venue vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam et elle a dit, ô envoyé d'Allah, Allah n'a pas honte de la vérité, est-ce que la femme doit se laver lorsqu'elle a fait un rêve érotique? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit oui, lorsqu'elle voit l'eau. Hadith authentique rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Al-Ma'na al-Ijmali, le sens général du hadith. J'a'at Umm Sulaym al-Ansariya ila al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam litas'alah. Wa lamma kana su'aluha mimma yata'allaqu bil-furuj وهي مما يستحي من ذكره عادة قدمت بين يدي سؤالها لإلقاء سؤالها حتى يخف موقعه على السامعين فقالت إن الله جل وعلا وهو الحي لا يمتنع من ذكر الحق الذي يستحي من ذكره من أجل الحياة ما دام في ذكره فائدة فلما ذكرت أم سليم هذه المقدمة التي لطفت بها سؤالها دخلت في صميم الموضوع فقالت هل على المرأة غسل إذا هي تخيلت في المنام أنها تجامع فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم عليها الغسل إذا رأت نزول ماء الشهوة. Le sens général du hadith. أم سليم رضي الله تعالى عنها الأنصارية, qui fait partie de l'Ansar, des gens de Médine, est venu vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour le questionner. Et sa question, comportant des choses qui ont rapport avec les parties génitales et qui, la plupart du temps, est cité accompagné de honte et de pudeur, elle a précédé sa question d'une parole qui va faire en sorte que sa question ne sera pas choquante et est une sorte d'introduction à sa question. Elle a dit Allah subhanahu wa ta'ala, qui est celui doté de pudeur, ne s'abstient pas de dire la vérité qui, en général, n'est pas dite par honte, ou qui est dite avec honte. Tant que dans cette chose, il y a un rappel et il y a un bénéfice. Et une fois que Umm Sulaym radiallahu anha a fait cette introduction afin de minimiser la réaction que pourrait produire sa question, elle est entrée dans le vif du sujet et a dit « La femme doit-elle se laver lorsqu'elle voit en rêve ou lorsqu'elle s'imagine en rêve quel est un rapport charnel ?» Et le prophète sallam a dit oui, elle doit se laver lorsqu'elle constate l'eau, si on traduit textuellement, l'eau du plaisir. Autrement dit, et sécrétion. C'est clair pour le sens général du hadith ? طيب ما يؤخذ من الحديث ce que l'on retient du hadith. اولا إن المرأة عليها الغسل حين تحتلم إذا أنزلت ورأت الماء. Premièrement, que la femme doit faire son lavage lorsqu'elle a fait un rêve érotique et qu'elle a sécrété un liquide et qu'elle ait constaté celui-ci. Donc le fait de le sécréter est une chose et de le constater en est une autre. Quand est-ce qu'une femme doit faire son rôle? Lorsqu'elle constate cette eau, ou lorsqu'elle constate ce liquide. ثانياً إن المرأة تنزل كما ينزل الرجل ومن ذلك يكون الشبه في الولد كما أشار إلى هذا بقية الحديث. La femme sécrète un liquide lorsqu'elle ressent une sensation de plaisir, comme l'homme sécrète du liquide. Et c'est de ce liquide qu'apparaît la ressemblance de l'enfant avec sa mère. Hamdoukallah. Comme cela est cité dans la fin de ce hadith. Car le hadith, l'imam Nukudam ne l'a pas cité dans sa totalité, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, où il a été questionné, mais est-ce que la femme sécrète, l'homme il sécrète, tout le monde le sait, mais la femme, cela a étonné Umm Sulaym, elle a dit, oh envoyé d'Allah, mais la femme, elle aussi sécrète-t-elle? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu, oui, et d'où viendrait la ressemblance alors? D'où viendrait la ressemblance d'un enfant avec sa mère si il n'y avait pas ce liquide? Thalithan, إثبات صفة الحياء لله جل وعلا إثباتا يليق بجلاله على أنه لا يمتنع تعالى من قول الحق لأجل الحياة. قال ابن القيم في البدائع إن صفات السلب المحض لا تدخل في أوصافه تعالى إلا إذا تضمن ثبوتا وكذلك الإخبار عنه بالسلب كقوله تعالى لا تأخذه سنة ولا نوم فإنه يتضمن كمال حياته وقيوميته. On déduit également de ce hadith que font partie ou que fait partie des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala la pudeur. Qu'Allah azza wa jal est pudique. Cela fait partie de ses attributs subhanahu wa ta'ala. Une pudeur qui est propre à lui azza wa jal, comme l'ensemble de ses attributs qui ne ressemblent en rien aux attributs de ses créatures. Rien ne lui ressemble, mais c'est lui qui entend tout et qui voit tout. Et qu'Allah Azza wa Jal est doté de cette pudeur qui est propre à lui Azza wa Jal, et que cette pudeur ne l'empêche pas de dire la vérité. Une honte qui empêche de dire la vérité n'est pas une honte dans le bon sens du terme. La honte ou la pudeur dans le bon sens du terme, c'est ce qui est un bouclier entre toi et les interdits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais de rester ignorant toute sa vie, mais d'ignorer des choses qui font partie de al-ma'louma min ad-din bil-darura, des choses que tout le monde doit connaître, des choses que nul n'est censé ignorer, comme la description des ablutions, comme de savoir qu'Allah Azza wa Jal est le seul et unique créateur qui mérite d'être adoré, subhanahu wa ta'ala, comme de savoir accomplir sa prière, tout ceci sont des ignorances qui ne seront acceptées de personne. Une personne donc qui est ignorante et la chose ou l'obstacle entre lui et la science est la honte, alors cette honte est interdite. Cette honte est interdite et il doit s'en dénuer et il doit s'en débarrasser. Puis, l'imam Cheikh Al-Bassam, rahimahullah, cite une parole de l'imam Ibn Al-Qayyim, rahimahullah, dans son livre Al-Bada'i', qui explique que, pour résumer, les caractères nier d'Allah subhanahu wa ta'ala n'entre pas dans ses attributs. Elle n'entre pas dans ses attributs sauf si elles contiennent l'attestation du contraire. Autrement dit, Umm Sulaym, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit Inna Allah la yastahi min al-haq, qu'Allah azza wa jal n'a pas honte de la vérité. Donc elle a nié un attribut d'Allah Azza wa Jal ou une caractéristique à Allah Azza wa Jal qui est le fait d'avoir honte lorsque l'on dit la vérité. Et Allah Azza wa Jal n'a pas honte lorsqu'il dit la vérité. Est-ce qu'on a le droit de dire à tout va qu'Allah n'est pas ainsi, qu'Allah n'a pas telle ou telle caractéristique? Non. On ne doit nier que ce qu'Allah Azza wa Jal a nié à lui-même. Lorsqu'on a vu, lorsqu'on a traité les attributs d'Allah Azza wa Jal, on a dit que l'on doit attribuer à Allah ce qu'il sait, attribuer lui-même ou ce que lui a attribué son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et que nous devons nier à Allah ce qu'il a nié à lui-même, ou ce que lui a nié le prophète sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Donc, on ne peut pas nier tout ce que l'on veut. On doit nier ce qu'il y a dans le Coran et dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Est-il autorisé de nier la honte à Allah azza wa jal lorsque l'on, la honte dans le fait de dire la vérité? On a le droit ou pas? Wallahu la yastahi min al-haq. C'est un verset du Coran. Wallahu la yastahi min al-haq. Allah n'a pas honte de la vérité. Donc on a le droit de dire qu'Allah n'a pas honte de la vérité. Et l'exemple également qu'a donné Ibn Qayyim, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Ne le prend ni somnolence ni sommeil. Donc Allah Azza wa Jal, ni il ne somnole, ni il ne dort. On nie ses caractéristiques à Allah Azza wa Jal parce qu'il les a lui-même nié à lui-même subhanahu wa ta'ala. Hamukallah. Rabi'an. إن الحياء لا ينبغي أن يمنع من تعلم العلم حتى في المسائل التي يستحيا منها. Quatrièmement, que la pudeur ne doit pas empêcher d'apprendre la science, même dans des sujets qui sont abordés avec une certaine pudeur. خامساً إن من الأدب وحسن المخاطبة أن يقدم أمام الكلام الذي يستحي منه مقدمة تناسب المقام تمهيدا للكلام ليخف وقعه ولئلا ينسب صاحبه إلى الجفاء. Cinquièmement, qu'il fait partie du bon comportement et de la bonne façon de s'exprimer de faire une introduction avant de prononcer des propos qui, en général, sont abstenus par honte. Et ceci afin de préparer ce propos, afin que les gens ne soient pas choqués des paroles crues, et également afin que la personne qui va dire ces propos ne soit pas considéré comme une personne impolie, comme une personne qui ne fait pas attention à ce qu'il dit, comme une personne qui n'est pas éduquée. Donc lorsque tu veux parler de ce sujet-là, tu peux utiliser la muqaddima, l'introduction qu'a utilisée Umm Sulaym. C'est-à-dire, si tu as une question à poser dans ce cadre-là, dis, Allah Azza wa Jalla n'a pas honte de la vérité, j'ai un sujet qui en général n'est pas abordé ou est abordé avec honte, et ensuite tu poses ta question. Mais salam alaykoum, directement la question, on peut mal le prendre et on peut considérer que tu n'as pas une bonne éducation sur ce point de vue. Al hadith al-thalith wa thalathoun, le 33e hadith. عن عائشة قالت كنت أغسل الجنابة من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء في ثوبه. رواه البخاري. وفي لفظ مسلم لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه. رواه مسلم. Le 33e hadith. Selon Aïcha, radiyallahu anha, elle dit, je lavais les traces de janaba, des vêtements du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il sortait alors à la prière et les endroits mouillés étaient visibles sur son vêtement. Mouillé, c'était la trace du lavage de Aïcha radiallahu anha. Elle lavait les traces de al-janaba, des vêtements du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et dans la version de Muslim, dans son sahih, Aïcha radiallahu anha a dit, et je frottais le vêtement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, où je le frottais fortement, puis il priait dans celui-ci. Il priait dans ce vêtement que Aïcha radiallahu anha avait frotté. Al-ma'na al-ijmali, le sens général du hadith. Tadhkuru Aïcha radiallahu anha أنه كان يصيب ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم المني من الجنابة فتارة يكون رطبا فتغسله من الثوب بالماء فيخرج إلى الصلاة والماء لم يجف من الثوب وتارة أخرى يكون المني يابسا وحينئذ تفركه من ثوبه فركا فيصلي فيه. Le sens général du hadith. Aïcha radiallahu anha rapporte ou cite que les vêtements du prophète sallallahu alayhi wa sallam étaient tachés des traces de la janaba, autrement dit étaient tachés de sperme. Et ce sperme était de temps en temps rotb, c'est-à-dire frais ou liquide. Elle lavait alors les parties de ses vêtements avec de l'eau, les parties de ses vêtements tachées avec de l'eau. Il sortait à la prière, puis sortait à la prière, et l'eau n'avait pas encore séché, ou l'eau de ses vêtements n'avait pas encore séché. Et d'autres fois, le sperme était sec. Dans ce cas, elle frottait fortement le vêtement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui priait ensuite dans celui-ci, c'est-à-dire dans ce vêtement. اختلاف العلماء La divergence des savants. اختلف العلماء في نجاسة المني فذهبت الحنفية والمالكية إلى نجاسته مستدلين بأحاديث غسله من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنها هذا الحديث الذي معنا وذهب الشافعي وأحمد وأهل الحديث وابن حزم وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيرهم من المحققين إلى طهارته مستدلين بأدلة كثيرة منها ما يأتي. La divergence des savants. Les savants ont divergé sur le caractère impur du sperme. Le sperme est-il une impureté ou non? Est-il une substance pure ou impure? Al-Hanafiyya ainsi que le Malikiyya tendent au fait que le sperme est impur. Et ils ont pour preuve les hadiths qui stipulent que ce sperme était lavé lorsqu'il touchait les vêtements du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ou lorsqu'il tachait les vêtements du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et bien ces vêtements étaient lavés. Et parmi ces hadiths, le hadith de Aïcha radiallahu anha, que nous sommes en train d'expliquer. Elle dit qu'elle lavait les traces de janaba des vêtements du prophète sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Et en général, lorsque on lave une impureté. C'est leur preuve. Et l'imam Shafi'i, l'imam Ahmed, les gens du hadith, l'imam Ibn Hazm, et Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, ainsi que beaucoup d'autres parmi les muhaqqiqin, c'est-à-dire les savants qui ne se contentent pas de suivre l'avis d'un tel ou d'un tel, mais qui étudient les sujets dans les détails et en tirent des jugements et prennent une position. Tous ces savants que je viens de citer sont de l'avis que le sperme est pur. Et ils ont, ou ils apportent à cela de nombreuses preuves que l'on va citer. أولاً صحة أحاديث فرق عائشة رضي الله عنها المنية فرق عائشة المنية من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يابسا بظفرها فلو كان نجسا لما كفى إلا الماء كسائر النجاسات. ثانيا أن المني هو أصل الإنسان ومعدنه فلا ينبغي أن يكون أصله نجسا خبيثا والله كرمه وطهره. ثالثا لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسله والتحرز منه كالبول. رابعا أجابوا عن أحاديث غسله بأن الغسل لا يدل على النجاسة كما أن غسل المخاطي ونحوه لا يدل على نجاسته والنظافة من النجاسات والمستقذرات مطلوبة شرعا فكيف لا يقر غسله صلى الله عليه وسلم. Donc les preuves des savants qui considèrent que le sperme est une substance pure. Premièrement, La première preuve est que les hadiths, que le hadith de Aïcha radiallahu anha, dans lequel elle informe qu'elle frottait le sperme séché du prophète sallallahu alayhi wa sallam de ses vêtements avec ses ongles. Et si c'était une impureté, eh bien, seule l'eau aurait pu rendre pur ce vêtement comme l'eau nettoie le reste des impuretés. Donc le fait que Aïcha radiallahu anha ait frotté le sperme sec et ne l'ait pas lavé ni arrosé, cela prouve que ce n'est pas une impureté. Deuxièmement, que le sperme est la substance d'origine de l'être humain. Et il ne peut être concevable, ou l'on ne peut concevoir que la base de l'être humain est impure, que sa source est impure, alors qu'Allah Azza wa Jal a donné à cet être humain une dignité et a purifié également celui-ci. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمْ Allah Azza wa Jal a dit وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمْ Nous avons honoré le fils d'Adam. Comment honorer le fils d'Adam si sa substance de laquelle il a été créé est impure? Troisièmement, la troisième preuve, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas ordonné de laver celui-ci, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne nous a pas également ordonné de nous méfier et nous protéger de celui-ci, comme il l'a fait pour l'urine. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a demandé de faire attention à l'urine et de ne pas tacher nos vêtements de celui-ci, car c'est une impureté. Et car c'est l'urine est une substance qui peut facilement tacher les vêtements. De même que le sperme, lui aussi, peut facilement tacher un vêtement, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne nous a dans aucun hadith ordonné ni de le laver, ni de nous protéger de celui-ci. Rabi'an, quatrièmement, la quatrième preuve, ils ont répondu au premier savant qui, eux, considèrent son impureté en, comme on l'a vu tout à l'heure, en apportant comme preuve que, ou comme argument que, Aïcha radiallahu anha a lavé le sperme du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et si elle l'a lavé, cela prouve que c'est une impureté. Les savants qui ont dit que le sperme n'est pas une impureté ont répondu à ceci en disant que ce que l'on lave n'est pas forcément une impureté. Comme par exemple, les mouchures, comme par exemple les glaires. Lorsqu'un glaire tache ton vêtement, est-ce que le glaire est une impureté en islam? Oui ou non? Non. Ce n'est pas une impureté, mais c'est quelque chose que les gens répugnent. Lorsque tu vois un glaire sur tes vêtements, tu ne vas pas sortir avec tes vêtements avec un glaire en plein milieu du kamis blanc. C'est-à-dire non, ça se fait pas chemin. Les gens ils vont pas apprécier, ou ça risque de les dégoûter, et voire même de faire vomir quelques-uns. Donc, on va laver ce glaire. Et le fait de laver ce glaire ne veut pas dire forcément que c'est une impureté. Eh bien, on est de même pour Al-Mani, pour le sperme. Le fait que Aïcha radiallahu anha l'ait lavé du vêtement du prophète sallallahu alayhi wa sallam ne veut pas dire forcément que c'est une impureté. ما يؤخذ من الحديث أولا طهارة المني وعدم وجوب غسله من البدن والثياب وغيرها. Ce que l'on retient du hadith, premièrement, que le sperme est pur et qu'il n'est pas obligatoire de le laver ni de laver le corps, ni le corps ni les vêtements lorsqu'ils sont atteints par celui-ci. Lorsque le corps ou les vêtements sont atteints par du sperme, il n'est pas obligatoire de le laver. ثانياً استحباب إزالته عن الثوب والبدن فيغسل رطبا ويفرك يابسا. Deuxièmement, qu'il est préférable de l'enlever du vêtement et du corps lorsqu'il est frais et liquide, alors il doit être lavé, et lorsqu'il est sec, alors il doit être frotté, comme l'a fait Aïcha radiallahu ta'ala anha. Non. Avec les ongles, comme cela est cité, soit on frotte le vêtement sur lui-même, ou bien de le faire avec ses ongles, comme le faisait Aïcha radiallahu ta'ala anha. C'est clair pour ce hadith? طيب الحديث الرابع والثلاثون le 34e حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جاهدها وجب الغسل وفي لفظ لمسلم وإن لم ينزل رواه البخاري. Le 34e hadith. Selon Abu Huraira radiallahu anhu, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsqu'il se positionne entre ses quatre membres, puis la force, alors le ghusl est obligatoire. Alors, le ghusl, le lavage est obligatoire. Et dans une version de Muslim, même s'il n'éjacule pas. Même s'il n'éjacule pas. Hadith rapporté par Al-Bukhari wa Muslim. Gharibul hadith. Awalan, shu'abiha al-arba' yuridu bithalika yadayha wa rijlayha wa huwa kinayatun anil jima'a. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit lorsqu'il se positionne entre ses quatre membres. Les quatre membres, il voulait dire par là les deux mains et les deux pieds. Et ceci est bien sûr une allusion au rapport charnel. Thaniyan, thumma jahadaha bi fathil jimi wal ha, ma'nahu balag al mashakkata bi kaddiha, wa huwa kinayatun anil ilaj. Et deuxièmement, puis il a force. Ceci est une allusion à la pénétration. المعنى الإجمالي, le sens général du hadith. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما معناه إذا جلس الرجل بين شعب المرأة الأربع اللائي هن اليدان والرجلان ثم أولج ذكره في فرج المرأة فقد وجب عليهما الغسل من الجنابة وإن لم يحصل إنزال المني وإن لم يحصل إنزال المني لأن الإيلاج وحده أحد موجبات الغسل. Le sens général du hadith. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ce qui suit, ou selon le sens ce qui suit. Lorsque l'homme se positionne entre les quatre membres de la femme, de sa femme, les quatre membres qui sont les deux mains, les deux bras et les deux pieds, puis qu'il pénètre son épouse, alors ils doivent tous deux faire le grand lavage de al-janaba, c'est-à-dire de l'état, suite à l'état de grande impureté, même si il n'éjacule pas, car la pénétration en elle-même oblige le lavage. La pénétration en elle-même oblige le lavage. ما يؤخذ من الحديث, ce que l'on doit retenir du hadith. أولا وجوب الغسل من إلاج الذكر في الفرج وإن لم يحصل إنزال. Premièrement, l'obligation de se laver à partir du moment où il y a pénétration, même si cela n'est pas suivi d'éjaculation. ثانيا يكون هذا الحديث ناسخا لحديث أبي سعيد الماء من الماء المفهوم منه بطريق الحصر أنه لا غسل إلا من إنزال المني. Deuxièmement, ce hadith, à savoir le hadith d'Abu Huraira رضي الله تعالى عنه, abroge le hadith d'Abu Sa'id al-Khudri رضي الله تعالى عنه, rapporté par Muslim et autres, dans lequel le professeur sallallahu alayhi wa sallam a dit « Al-ma'u min al-ma'a » que l'eau vient après l'eau. La première eau qui est fait allusion dans ce hadith, c'est l'eau non. C'est l'eau de l'rousl. Que l'eau de l'rousl vient après l'eau de sécrétion, à savoir le sperme. Donc lorsqu'il y a éjaculation, il y a eau. Et le hadith, donc on pourrait comprendre de ce hadith que l'on se lave que lorsqu'il y a éjaculation. Et le hadith d'Abu Huraira radiallahu anhu, que l'on est en train d'expliquer actuellement, vient abroger celui-ci, à savoir que l'eau du lavage, à savoir que le lavage doit être fait que la personne éjacule ou non. طيب. Et comme on dit, Allah la yastahi min al-haq, que signifie la pénétration? Qu'est-ce que les savants veulent dire par pénétration lorsque l'on dit que la pénétration en elle-même oblige le lavage? Non? La tête du sperme rentrer entièrement dans le sexe. Non. Non, c'est pas la tête du sperme. Il y en a dans le capuchon de l'organe génital de l'homme. Non. Il y a la tête, on peut dire la tête de l'organe génital de l'homme. Lorsqu'il disparaît dans l'organe génital de la femme, alors cela est considéré comme une pénétration. Si la tête ne disparaît pas dans l'organe génital de la femme, alors ceci n'est pas considéré comme une pénétration, donc le rousl n'est pas obligatoire. Mais à la kulihal, dans tous les cas, il vaut mieux sortir du doute, surtout dans des situations comme celle-ci, et lorsqu'il y a le moindre doute, de faire son lavage, Allahu a'lam. Al-hadithu al-khamisu wa-thalathun. Ça va vous faire beaucoup de hadiths à apprendre là. Et vous aurez tout le monde du ramadan pour le faire, Inch'Allah. Al-hadith al-khamis wa al-thalathun. An Abi Ja'far ibn Ali ibn al-Husayn ibn Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhum. Annahu kana huwa wa abuhu inda Jabir ibn Abdillah wa indahu qawm. Fasa'aluhu anil ghusl. Faqala yakfika sa'a. Faqala rajul ma yakfini. Faqala Jabir kana yakfi. Man huwa awfa. Je crois certains ont man huwa awfaru. J'ai regardé, il n'y a pas ce lafz dans le Bukhari. C'est man huwa awfa, alif waw fa et le ya sans les deux points bien sûr. Man huwa awfa. Kana yakfi man huwa awfa minka sha'ra wa khayru mink. يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أمن في ثوب رواه البخاري وفي لفظ كان النبي صلى الله عليه وسلم يفرغ الماء على رأسه ثلاثا رواه البخاري قال المصنف الرجل الذي قال ما يكفيني هو الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أبوه محمد بن الحنفية. Donc le 35e hadith. Selon Abu Ja'far ibn Ali ibn Hussein ibn Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhum, il dit, qui dit Abu Ja'far, il dit qu'il était lui et son père. Qui est son père? Ali ibn al-Hussein. Il dit qu'il était lui et son père chez Jabir ibn Abdillah radiyallahu anhu, qui est l'un des plus éminents compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et chez Jabir, il y avait du monde. Chez Jabir radiyallahu anhu, il y avait du monde. Donc Abu Ja'far et son père Ali ibn al-Hussein sont allés voir Jabir ibn Abdillah, et chez Jabir ibn Abdillah, il y avait du monde. Fasa'aluhu anil ghusl. Et Jabir radiallahu anhu a été questionné sur le lavage. Faqala yakfika sa'a. Jabir radiallahu anhu a dit, il te suffit un sa'a. Un sa'a te suffit. C'est-à-dire, un sa'a d'eau. Autrement dit, quatre amdad. Et le mud, on a dit, c'est la quantité qui est contenue lorsque les mains sont jointes et fermées ou ouvertes. Ouvertes. Parce que lorsque les mains sont fermées et lorsqu'elles sont ouvertes, elles ne prennent pas la même quantité. Donc c'est la quantité que prend les deux mains jointes lorsqu'elles sont ouvertes. Ça, c'est un mud. Et un sa, c'est quatre amdad. Et un homme a dit, cela ne me suffit pas. Un homme a dit, mais cela ne peut pas me suffire. Et Jabir radiallahu anhu a dit, eh bien, il suffisait, c'est-à-dire le sa'a, à celui qui avait plus de cheveux que toi et qui était meilleur que toi. Il voulait dire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, puis il présidait la prière dans son vêtement. Rawahu al-Bukhari. Et dans la version, dans une autre version, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam versait de l'eau sur sa tête à trois reprises. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam versait de l'eau sur sa tête à trois reprises. Qala al-Musannif, l'auteur du livre, à savoir l'imam ibn Abdul Ghani al-Maqdisi, il a dit, l'homme qui a dit cela ne me suffit pas est Al-Hassan ibn Muhammad ibn Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu. Et son père était Abu Muhammad ibn al-Halafiyyah. Al-Ma'na al-Ijmali, كان Abu Ja'far wa Abuhu عند الصحابي الجليل Jabir ibn Abdillah radiyallahu anhu وعنده قوم. فسأل القوم جابرا عما يكفي من الماء في غسل الجنابة فقال يكفيك صاع وكان الحسن بن محمد بن الحنفية مع القوم عند جابر فقال إن هذا القدر لا يكفيني للغسل من الجنابة فقال جابر كان يكفي من هو أوفر وأكثف منك شعرا وخير منك فيكون أحرص منك على طهارته ودينه يعني النبي صلى الله عليه وسلم ثم بعد أن اغتسل بهذا الصاع أمن في الصلاة مما يدل على أنه تطهر بهذا الصاع أنه تطهر بهذا الصاع الطهارة الكافية. Le sens général du hadith. Abu Ja'far ainsi que son père Ali ibn al-Hussein était chez le compagnon, le grand compagnon Jabir ibn Abdillah radiallahu anhu, qui avait chez lui du monde. Et une personne parmi les invités de Jabir a dit, ou a posé la question sur la quantité d'eau nécessaire pour faire le lavage de la janaba. Il a dit, c'est-à-dire Jabir, un sa'a te suffit. Et Al-Hassan ibn Muhammad ibn al-Hanafiyyah était présent chez Jabir. Et il a dit que cette quantité ne me suffit pas pour me laver. Et Jabir radiallahu anhu a dit, eh bien cette quantité suffisait à celui qui avait plus de cheveux et qui avait des cheveux plus denses que toi, qui avait plus de cheveux et des cheveux plus denses que toi, et qui était meilleur que toi. فَيَكُونُ أَحْرَصَ مِنْكُ. Et il était beaucoup plus soigneux dans le fait d'être pur, et il prenait plus soin de sa religion. Il voulait dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puis, après qu'il se lavait de cette quantité d'eau, eh bien, il présidait la prière. Ce qui prouve qu'il était pur, une pureté complète qui lui permettait de faire sa prière. Car juste après s'être lavé, le prophète sallallahu alayhi wa sallam présidait la prière. Autrement dit, il était en état de pureté. Et on a vu dans les conditions de Rusul Janaba que chaque partie du corps doit être atteinte d'eau. Ma yu'khadhu min al-hadith, ce que l'on retient du hadith. Awwalan, wujub al-ghasl min al-janaba. Wa dhalika bi ifadati al-ma'i 'ala al-'udwi wa saylanihi 'alayhi. Famata hasala dhalika ta'adda al-wajib. Premièrement, l'obligation de se laver lorsque l'on est en état de grande impureté. Et ceci en versant de l'eau sur le membre et que l'eau coule sur celui-ci. Lorsque cela est atteint, alors l'obligation est accomplie. قال في ثانيا قال في بداية المجتهد لا يستدل به على لزوم الدلك ولا على عدمه. الإمام ابن رشد dans son livre Bidayatul Mujtahid a dit qu'on ne peut utiliser ce hadith pour prouver qu'il est obligatoire de suivre sa main après l'eau ou que cela n'est pas obligatoire. Et on ne peut pas déduire de ce hadith ni l'obligation ni la non-obligation de suivre ou de faire suivre sa main, de faire ad-dalk en essuyant après que l'eau ait atteint le membre du corps que l'on lave. ثالثا إن الصاع الذي هو أربعة أمداد يكفي للغسل من الجنابة. قال ابن دقيق العيد وليس ذلك على سبيل التحديد فقد دلت الأحاديث على مقادير مختلفة وذلك والله أعلم لاختلاف الأوقات أو الحالات كقلة الماء وكثرته والسفر والحضر. Troisièmement, le sa' qui est fait allusion dans ce hadith, ou qui a été cité dans ce hadith, correspond à quatre amdad. Et le mot, on l'a vu, sa définition. Le sa' suffit pour se laver de la janaba. Et l'imam ibn Daqiq al-Aid, rahimahullah, qui lui aussi a expliqué le livre Umdat al-Ahkam, a dit, et ceci n'a pas été cité pour restreindre. Autrement dit, le sa' qui est cité dans ce hadith ne veut pas dire que la personne doit toujours utiliser un sa'. Mais les beaucoup de hadiths sont venus en parlant de plusieurs quantités. Et ceci, à savoir ces plusieurs quantités citées dans maintes hadiths authentiques, ont été cités lorsque, selon le temps et selon les situations, comme lorsque l'eau est abondante et lorsqu'elle ne l'est pas, ou lorsque la personne est en voyage ou lorsqu'elle est résidente. Une personne qui vit dans un pays ou dans une contrée ou dans une région où il n'y a pas beaucoup d'eau, est-ce qu'il va se laver comme se lave celui qui a de l'eau à sa disposition? Non. Celui qui est en voyage, va-t-il se laver comme celui qui est résident? Non. Donc, les différentes quantités rapportées dans les différents hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam s'expliquent par ces différentes situations dans lesquels était le prophète sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Rabi'an istihbabu takhfifi fi ma'i tahara. Quatrièmement, qu'il est préférable d'utiliser le moins possible d'eau lorsque l'on se purifie. Lorsque l'on se purifie. Et vous connaissez tous le hadith, même s'il y a devant ta porte une rivière qui coule. Même s'il y a devant ta porte une rivière qui coule. Khamisan, al-inkaru ala man yukhalifu sunnata an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Cinquièmement, le fait de condamner celui qui contredit la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qui a condamné? Jabir radiallahu anhu, il a condamné. Et les savants ont même considéré que Jabir ibn Abdillah y est allé fort. Et parmi eux, l'imam ibn Hajar rahimahullah, dans son livre Al-Fath, il dit, et il y a dans ce hadith l'autorisation de répondre violemment à celui qui essaye de polémiquer dans la religion sans science. Et lorsqu'il y a dans cela un bénéfice, et parmi ces bénéfices, le fait d'éduquer les personnes. Si une personne commence à polémiquer avec toi sans science, sur un sujet, et qu'il y a une assemblée, comme ce qu'il y avait chez Jabir. Est-ce que Jabir était tout seul? Non, il y avait du monde qui écoutait. Et Jabir radiallahu anhu a profité de cette occasion pour répondre à celui qui dit que cela ne me suffit pas, un sa' ne me suffit pas. Jabir a dit, eh bien il a suffi à une personne qui avait plus de cheveux que toi et qui était meilleure que toi. Pour éduquer d'une cette personne, pour qu'elle s'arrête de parler sans science, et deuxièmement, que les gens qui sont autour et qui sont présents et qui assistent à cette scène retiennent que c'est la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qu'on ne peut pas se permettre de la contredire ou d'apporter son avis personnel. Pour cela que ceux qui donnent la parole aux awam font une grave erreur. Ceux qui, lorsqu'ils font un cours ou lorsqu'ils font une conférence ou autre, demandent l'avis de ceux qui sont présents, qu'est-ce que tu en penses? Qui est d'accord, lève la main. Qui n'est pas d'accord, ne lève pas la main. Les gens, l'awam, ceux qui ne sont pas des étudiants en sciences, ceux qui ne sont pas des savants, on n'a pas à leur demander leur avis. Parce que l'avis qu'ils vont exprimer sera un avis personnel. Il ne sera pas appuyé par un verset du Coran ou par un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc lorsque tu donnes un cours, lorsque tu donnes une conférence, lorsque tu donnes une nasiha, tu donnes et les gens prennent. Les gens n'ont pas à donner. Les gens n'ont pas à donner, sauf si tu as de la science, alors et que tu es sûr de celle-ci, alors transmets-la comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Et certains savants ont dit que Al-Hassan ibn Muhammad, ou plutôt Muhammad ibn al-Hanafiyyah, que c'était lui le premier où il était à l'origine de Al-Irja, qu'il était à l'origine de la secte appelée Al-Irja, ceux qui disent que les actes n'ont pas d'influence sur la foi, et que la foi de Jibril et la foi du plus pervers des êtres humains est identique et au même niveau. ونكتفي بهذا القدر سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك